Une fille, un podcast. Et c'est l'épisode 1 de mon tout premier hors-série. Alors je vous dis bonne écoute. Et ce soir, on commence avec Blast. Salut. Je sais pas s'il y a besoin de te présenter. Je pense que, à mon avis, plein de personnes te connaissent. Je sais pas. Je connais pas tous tes auditeurs. Hein. Je connais quelques-uns qui me connaissent, ouais. On a des auditeurs communs et on a des écoutes communes. Je pense. Mais je peux quand même te présenter si tu veux. Si tu veux, ouais, vas-y. Je suis curieux. Pour ceux et celles qui connaissent pas Blast, j'écoute. Je suis en train de chercher comment je te présenterais. Ben, je pense que c'est un petit peu la personne qu'on retrouve un peu partout quand on crie au secours. Non? Ouais, enfin, si t'as un pneu crevé, faut pas sur moi. Tu sais pas changer un pneu? Si, mais t'habites un peu loin. Ah non, mais moi je t'appellerai pas pour changer un pneu, hein. C'est bon, je... D'accord, okay. Ça je sais faire. Bon, donc on m'appelle au secours. Non, mais bon, voilà, on te retrouve dans quoi? On te retrouve dans les sondiers. Ouais, je suis animateur des sondiers, ouais. On te retrouve aussi dans pas mal de sagas MP3. Je me trompe pas. Tout à fait. Et sur Netophonix? Je suis un des administrateurs du Netophonix, effectivement. D'accord. Donc ça c'est tout le monde de la saga MP3 qui se retrouve centralisé là. Voilà, et c'est là que je crois que j'ai commencé à voir ton nom à droite à gauche, voilà. Ah mais tu vas tout savoir ce soir en fait. Et puis, est-ce que tu participes à un autre podcast que je ne saurais pas? À part les sons? Non, je suis dans Une fille, un podcast, hors série numéro 1. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, on est venu parler podcast, non? Non, je suis un gros auditeur de podcast. Donc ça tombe bien, on va pouvoir discuter. Ouais, on va pouvoir parler podcast. Voilà. Et pas comme une interview, mais comme une discussion qu'on postera. Voilà. Ceux qui ont envie d'écouter, ils écoutent, mais c'est pas une interview, c'est une discussion. Ouais, non, on va juste donner envie d'écouter des podcasts. Tu vas me convaincre d'écouter ceux que tu m'as pas encore convaincu. Et puis, je vais faire pareil. Ça va? C'est un bon deal? Ouais, c'est un bon deal. Donc, non, ça va pas, ça me fait peur, ça. Tu vas m'en rajouter une tonne et j'en ai déjà plein dans ma liste, quoi. Oui, parce que tu crois que j'en ai pas plein dans ma liste? Bah, juste, ouais. Ah, si. Forcément. Alors, tiens, je vais prévenir les auditeurs que tu m'as demandé en backstage de sortir 3 ou 4 podcasts. Et j'ai pas réussi, mais j'ai même pas commencé à essayer. 3 ou 4 podcasts de ma liste, c'est impossible, c'est absolument impensable. Je t'ai demandé... J'écoute plein de podcasts. Ouais, je vais arrêter de te couper la parole. Ouais, vas-y. Non, mais si je te coupe jamais la parole, je vais jamais parler, en fait. Allez, coupe-moi. Fais ça bien. Oui, je t'ai demandé, en fait, de me donner tes 3 ou 4 chouchous, tes préférés, quoi. Ouais. Ouais. Et bah, je pensais que la question, elle était assez simple, apparemment. Mais la question est simplissime. En fait, au lieu de faire 2-3 chouchous, j'ai fait 2 catégories. Ouais. Et puis, il y a les autres. Enfin, il y a 3 catégories. Alors, il y en a un, c'est news, tech, détente, réflexion et déconne. En même temps, c'est la catégorie, hein. donc là, j'ai un titre que je peux mettre dans cette catégorie-là. Et puis, j'ai la catégorie scientifique, en plus d'être news, tech, détente, réflexion et déconne. Ça, c'est la deuxième catégorie. Parce que j'aime beaucoup les podcasts scientifiques. Mais comment tu mets news, tech, détente et déconne dans le même truc? Ben, tu prends l'apéro du capitaine. C'est la news, la tech, la détente, quelques réflexions et beaucoup de déconne. D'accord. Donc, je peux pas le catégoriser autrement. Oui, c'est vrai. Hein, voilà. Donc, dedans, j'ai mis un titre. Et je te le fais en une phrase. Je l'ai noté parce que va falloir que je lise. Putain, t'as tout bien préparé. Non. Moi, j'ai rien préparé. Ouais, non, mais attends, j'ai fait ça super bien. Ben, j'ai, je vois ça. J'ai au moins. Je t'ai mis la pression, en fait. J'ai au moins 4 lignes décrites sur mon papier. Hein. Mais j'ai au moins là le titre exact. Alors, le titre exact, c'est 2 heures tech d'improbable et inaudible apéro à l'éclectique. À l'éclectique agence clutch d'une fille, un entrepôt de gast. À tes souhaits. Ok. Ouais. Je détaille. Non, j'ai compris, moi, mais. J'ai compris. Donc, on peut détailler si tu veux. Dans cette catégorie-là, j'ai mis 2 heures de perdu. que tu m'as fait découvrir et qui est absolument hilarant et que j'adore. Oui, j'ai écouté le dernier, enfin je sais pas si c'était le dernier en fait, mais j'ai écouté le dernier, Les Rivières c'était Pourpres. Ah non, ça c'est plus ancien. Bon, bah c'est pas grave. Le tout dernier c'était je vais pas le dire. Dirty Dancing. Je l'ai pas écouté encore. OK. Il est sorti oui, la semaine dernière. Donc voilà, 2 heures de perdues, c'est vraiment super drôle, j'adore ça. J'ai mis tout Niptek, mais en fait ça correspond à toute la famille Mnificast, pour ceux qui connaissent, donc Benoît Curdy, Mike, Mathieu, Fabrice, toute l'équipe de Nipcast. Donc dedans il y a Nipcells, il y a Feu Niplife et ses remplaçants, enfin, vraiment c'est plein de podcasts vraiment très sympas. Et Nip Cuisine Et Nip Cuisine, ouais, qui s'appelle plus Nip Cuisine, qui s'appelle Une pincée de sel. Mais oui, effectivement. Voilà. Mais... Et qui n'est pas encore sorti, ou qui est encore sous le nom de Nip Life. Enfin, c'est pas encore complètement. Ouais, mais j'en ai écouté voilà. Deux déjà. Ouais, ouais, j'aime bien aussi. Bonne. Parce qu'en fait, tu peux aller, je crois, sur YouTube, je sais pas, je vais peut-être dire ouais, une alors connerie, sur YouTube, en fait... ils postent des photos en même temps ou un truc comme ça. Ils font les photos quand ils font la recette. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais j'ai pas été regarder les photos, je me contente de l'audio. En général, quand j'écoute les podcasts quand je conduis ou quand je fais des trucs, donc du coup, je regarde pas. Il y a beaucoup de d'émissions de Niptek, Nipcast, Nipcells, entre autres, qui utilisent Hangout sur YouTube pour diffuser en direct. Mais et puis ensuite on peut les regarder en différé, mais non, moi ça me... Est-ce qu'on fait une pause lexique pour les moments où tu utilises des mots que je ne comprends pas ou Bah tu m'arrêtes et puis on en parle. Qu'est-ce que j'ai dit? Hangout. Oui. J'ai dit Hangout. Alors Hangout, c'est le système que YouTube et Google Plus utilisent pour faire de la vidéo en direct. Ah d'accord. Voilà, c'est tout. C'est une plateforme de vidéo en direct. Mais du coup c'est de la vidéo et moi la vidéo ben ça me scotche et ça me force à rester devant l'écran et je peux pas faire mon ménage. Oui, ben c'est sûr. Tu écoutes des podcasts quand tu fais le ménage? Non, c'est une référence cachée au dernier WAPEX qui parlait de toi pendant que tu passais l'aspirateur. Je vois pas de quoi tu parles. C'est alors, pour rire. Qu'est-ce qu'on a aussi? L'improbable podcast, oui. Tu connais? Forcément. Un peu. C'est pas celui que j'écoute le plus, mais je connais. Alors, j'aime bien, parce que ben là aussi, on est dans de la grosse déconne. Ils sont pas du tout sérieux, mais c'est très drôle, c'est très sympa. Ils ont un feuilleton, alors, étant d'une étophonique, c'est de la sagasphère, je suis forcément sensible au feuilleton. Mmh. Donc, du coup, ils ont un feuilleton qui s'appelle « Les voyageurs de l'improbable ». D'accord. Ils sont à bord d'un vaisseau spatial et ils ont des aventures complètement délirantes. C'est pas du tout dans le style saga MP3, c'est dans le style j'improvise autour d'un micro. C'est idiot et c'est très drôle. Enfin voilà. Donc ça c'est l'improbable podcast. L'inaudible, inutile de présenter l'inaudible. Walter Proof, Pompidou, le WAPEX dans lequel nous participons tour à tour au son mystère. J'ai pas encore trouvé celui du dernier. Et puis j'ai oublié de répondre au précédent. Oh la honte. Attends, cache-toi. Tu veux que je parle de honte? Tu veux que je parle de honte? Moi je connais une fille qui a appelé pour dire ouais j'ai trouvé, qui a pas donné la réponse, qui a raccroché. Oui. Je l'ai cherché la réponse. Ça va, c'est bon, j'ai trouvé. Ok, on va te faire confiance parce que tu l'as pas donné la réponse. Mais voilà. Ouais, faut me faire confiance. Donc voilà, ça, non, toutes les créations de Walter Proof. Je me demande si Walter Proof, c'est pas le père du podcast francophone, tellement ça fait longtemps qu'il est dans le milieu. Il y a évidemment, dont La Breluche Dorée et La Vie Secrète de Colly Bacille, voilà. Dans lesquelles je joue. Oui. J'ai un rôle dans La Vie Secrète de Colly Bacille. Qui vient tout juste de se terminer. j'ai écouté La Breluche Dorée. Et moi j'aime bien, je sais plus si je te l'avais dit, mais j'aime bien écouter tout d'un coup. Donc je laisse, j'ai pas encore commencé. Donc La Breluche, c'est bon parce que saison 1 est finie. Ouais, je l'ai écouté. Et maintenant, La Vie Secrète de Colly Bacille, c'est bon aussi parce que la saison 1 est finie aussi. Bon, voilà, demain. Et voilà, tu peux attaquer. J'aime pas attendre, j'aime pas, enfin si, j'aime bien le suspense, mais tu vois, je préfère prendre tout d'un coup. Ça peut durer un moment, hein. J'en suis bien consciente, mais j'aime bien. Moi, j'ai pas de problème avec les podcasts qui durent 8 heures. C'est. Ouais, moi non plus, je les découpe en petits morceaux quand même. Mais j'ai rarement 8 heures à ma disposition, ouais. Mais. Bah, je les coupe en deux. T'avais 4 et 4, ça va? Ok, d'accord. Oui, non, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Non, mais sans rire, c'est vrai que je préfère écouter le truc d'un coup, d'un seul, et quand ils sont petits, qui durent 60 secondes, il y en a qui durent 60 secondes, figure-toi, top chrono. Tu vois lequel dont je veux parler? 60 secondes, c'est des trucs du genre ta gueule, hein. Non, je pensais pas à ça, mais non, je pensais à... Bon, bref, ils ont 60 secondes. Mais c'est un peu stressant, en fait, parce que les personnes qui parlent, qui viennent présenter un truc, ils se dépêchent pour essayer de dire le plus. Ah, ils ont 60 secondes pour ouais, dire un après truc. Ouais, ça coupe. Ça fait chaud. Ouais, hein. Ouais. Donc ils se pressent, c'est super speed. Enfin. Ouais, c'est chaud. Mais c'est rigolo. Moi, je fais une émission qui dure 3 heures, alors je sais pas ce que c'est que faire une émission de 60 secondes. Mais non, je parlais de participer dans son truc, c'est pas mal. L'émission Ta gueule, c'est un truc qui couvre des erreurs de français qu'on fait régulièrement. Bah, qu'on entend régulièrement et qui sont corrigés dans cette émission-là, qui est aussi très courte, qui doit durer 2 ou 3 minutes peut-être. Je sais plus. Eh ben, des émissions comme ça, moi j'en écoute 10 à la suite. Parce que j'ai pas envie d'écouter un truc qui dure que 3 minutes. Quoi. Donc, ouais. Je les écoute à la suite. Alors je les laisse traîner et puis des fois, moi j'ai 6 mois de retard. Mais c'est pas grave. Ben, moi j'arrive à peu près à tenir mon rythme. Hein. En gros. Sur la semaine, j'arrive à écouter ce qui s'est produit dans la semaine. Il est rare que j'ai des podcasts mais, en retard. Ouais, enfin, t'es rigoureux, quoi. Mais non, c'est parce que sinon ça s'accumule. Et le truc, c'est que j'ai envie de les écouter. Alors je me dis, ouais, mince, je me retrouve avec 4 têtes au carré qui se suivent, j'ai toujours pas écouté. Alors je m'en fais deux à la suite, deux fois 45 minutes de tête au carré, ça fait beaucoup. Donc du coup, j'essaye d'alterner un petit peu. Ouais. Mais je peux pas me retrouver. Et puis les émissions toutes m'intéressent. Donc si je prends l'exemple de la tête au carré, mais ça c'est dans la catégorie scientifique, donc je reviendrai plus tard. Mais voilà. Donc quand t'as des quotidiennes, ça se cumule. Et je suis obligé je me fais violence quoi. Bon, j'ai entre 45 et 50 minutes de route le matin. Ouais. J'ai une grosse demi-heure de route le soir, parce que ça dépend des bouchons. Tu fais un détour le matin, tu t'arrêtes où? Pourquoi 45 pour partir et 30 parce pour partir? Parce qu'il y a des bouchons, des bouchons ah oui. Qui sont différents. Donc du coup, j'ai des bouchons le matin que j'ai pas le soir. C'est con, mais... Non, c'est logique. Donc voilà, ça me fait une petite heure, enfin une grosse heure, une heure et quart, peut-être parfois une heure et demie de. Ah oui, bon, bah c'est sûr qu'effectivement, comme ça, une heure et demie, tu prends forcément du retard sur des trucs que t'aimes bien, quoi. Enfin, en même temps, je sais pas, ouais. Je trouve ça bizarre de dire du retard, ou alors je me fais violence pour écouter quelque chose, enfin, je comprends. Non, bien. Je me fais pas violence, j'aime ça, hein, franchement, c'est et mais tu vas envie. Me laisser parler? Oui, excuse-moi, vas-y, je me tais, je me mute. Non! Ah non, me laisse pas toute seule. Non, vas-y, continue, explique. Non, c'est parce que je conçois pas l'écoute de la même façon. Donc c'est pour ça que ça me fait bizarre peut-être ta façon de l'écouter. Tu prends l'écoute comme un passe-temps? Bah attends, j'avais pas pensé à ça. Comme un passe-temps, mais c'est forcément un passe-temps. Qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Ben moi, il y a des trucs que je prends comme un passe-temps, et il y a des trucs que j'apprends des trucs. Ah oui, ben, enfin, se cultiver, c'est un passe-temps, non? Aussi. Pour moi, oui, en tout oui, cas. Oui, aussi. Oui, ok, d'accord. Donc, dans okay. Ce cas-là, oui. Là, on est d'accord. Mais du coup, j'ai envie. Enfin, mon problème, c'est toujours, effectivement, que si ça se cumule. Oui, mais et tu sais. Ça m'est arrivé des semaines d'avoir 7, 8 têtes au carré en retard. C'est une quotidienne, c'est super galère. Je viens de me taper 8 têtes au carré que j'ai envie d'écouter, donc il faut que je les alterne avec d'autres choses, donc il faut qu'il y ait d'autres choses ouais. À écouter. Puis évidemment, les hebdomadaires, les bi-hebdomadaires, les bimensuels. Mais la tête au carré, c'est sûr, c'est très très intéressant. Après, je pense... Je me dis pas, j'ai raté les 3 de hier, avant-hier et encore avant-avant-hier. Et... Non, bah, si aujourd'hui je suis en train d'écouter ça, et puis tant pis si j'oublie les jours d'avant, quoi. Enfin, ouais, je ne me mets pas la pression comme ça, hein. Non. Mais je ne le considère pas comme une pression, mais comme une espèce de... Un rendez-vous à pas manquer. Un rendez-vous à pas manquer, c'est bien, ça. Ouais, un rendez-vous que j'ai envie de d'avoir, et puis d'être à jour, et, parce que souvent, en plus, c'est lié à l'actualité, donc pas mal de trucs. Ouais, c'est ça. L'actualité, 15 jours plus tard, bof, quoi. Oui. Donc non, c'est une espèce de presque discipline, mais c'est beau, c'est un gros mot de dire discipline. Ouais, ouais. Mais il est clair que en général, à la fin de la semaine, vu que le dimanche il y a peu de choses qui sont produites, bah, j'ai rattrapé. Quand je bricole, j'écoute. Quand je vais manger, si je suis avec des collègues, ben je vais manger avec les collègues. Mais si je suis en solo, ça me dérange pas parce que j'ai de quoi écouter. Je vais à la machine à café, j'ai le téléphone dans la poche, donc je mets le haut-parleur, ça lance automatiquement l'écoute du podcast qui était en route. Ouais. Donc du coup, j'ai juste à brancher l'oreillette et clic. Je me fais 4 minutes de podcast et je reviens bosser. Ça marche. Ouais. Moi j'ai beaucoup plus de temps en fait, c'est pour ça que ça me paraît un peu abstrait ce que tu me racontes. Mais oui, moi j'ai beaucoup plus de temps pour écouter du podcast, donc forcément, j'ai pas... Non, il y en a deux, trois comme ça que vraiment j'attends avec impatience parce que je suis très contente de les écouter et de les retrouver. Tu vois, là, ouais, ok, là, je te rejoins sur le rendez-vous. Mais par contre, pour plein de choses, c'est tout dans le désordre. Je m'en fous complètement. J'écoute ce que j'ai envie d'écouter selon l'humeur du jour. Et puis voilà, quoi. J'ai pas besoin de... Je sais qu'il y en a qui ont des applications pour le podcast, et puis... Ouais, c'est ça aussi qui doit faire la différence. Donc, t'as... J'utilise Podcast Addict. Ouais. Je vais faire de la pub parce que c'est des mecs super bien. Enfin, c'est un mec super bien. Et donc, tout seul, il se télécharge. Ce qui fait qu'à la fin, je me retrouve à me dire, je l'ai téléchargé, c'est pas pour rien, faut que j'écoute. D'accord, ouais, mais ça te fait genre une file d'attente de 20 heures. Ça se range dans les dossiers, puis du coup, je peux les écouter les uns derrière les autres, dans l'ordre que je veux. Ouais, d'accord. Ils sont là, dans mon téléphone, ils attendent. J'ai pas d'obligation d'écouter. Je sais bien. Des moments, je suis occupé à autre chose. Mais je sais qu'ils sont dedans, il y a des moments, je me dis non, celui-là un peu... Il y a des podcasts pour lesquels je suis peut-être moins passionné ou moins intéressé. Je l'écoute en diagonale. Alors, faut pas dire quel podcast t'écoutes comme ça parce que c'est pas sympa pour eux, je pense. Non, parce que c'est sympa. Donc, je vais pas le faire. Non. Ce que je fais, par exemple, si je prends l'exemple des gars de 24 FPS, lui, je le télécharge pas de manière automatique. Parce que d'abord, c'est très long. Non, puis il faut avoir vu le film. Et puis il faut avoir vu le film. Et... comme je vois pas beaucoup de films, je vais peu au cinéma. Si le film je l'ai vu, effectivement, à ce moment-là, je le télécharge et je me régale. Mais si j'ai pas vu le film, j'ai pas trop d'intérêt d'entendre le 4 heures de podcast sur un sujet qui à ce moment-là me... Mais parfois ouais, effectivement, ça m'est arrivé de me laisser avoir. Mais alors attends, parce que c'est un podcast que je connais bien, donc que j'écoute avec assiduité, si t'as pas vu le film, non, je confirme, faut pas aller l'écouter parce que tu vas avoir qu'une envie, c'est aller voir le film. Tu vois? Ouais, ça m'est arrivé une fois. Qu'est-ce que j'ai, c'était Gravity. Alors, j'étais en train d'écouter le podcast parce que je m'étais dit bon, c'est un film que je vais pas regarder, donc je peux me permettre d'écouter avec les spoilers. Ouais, pareil, je me suis dit j'écoute la genèse du film, et puis après j'attaque la partie avec spoiler et je me dis j'ai vraiment quand même envie de le voir. Alors j'ai arrêté l'écoute. C'est ça. Pareil. Je me suis maté le film. Voilà. Et puis après j'ai terminé l'écoute du podcast. Voilà. Donc alors c'est le genre de podcast où qui font 8 heures. Alors on en écoute 4 heures et on se dit maintenant c'est pas possible, il faut que j'aille le voir obligatoirement, et puis on écoutera la partie spoiler une fois qu'on aura vu le film, quoi. Donc voilà, j'étais même directement parti dans la partie spoiler. C'est ce qui me dérange pas trop. Je suis pas. Ah non. Ok. Moi, ça me dérange pas de lire un livre plusieurs fois. Du coup, le spoiler, ça marche que le. Enfin, l'anti-spoiler, ça marche qu'à la première lecture. Le Seigneur des Anneaux, je sais comment ça se déroule, mais je le lis quand même régulièrement. Donc du coup, ça me pose pas vraiment de problème. Alors, évidemment, s'il y a un gros twist, je préfère pas le savoir parce qu'il y a le plaisir de la surprise. Je peux rentrer dans la partie spoiler et me dire, ouais, effectivement, peut-être que j'ai envie de le voir. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé avec Gravity. Ouais. Mais j'ai vu aussi Gravity. Okay, voilà. parce que j'ai écouté 24 FPS, quoi. C'est clair. Mais il y en a un que je me suis gardé quand même, c'est celui où ils sont avec Voyage Cast. Je n'irai pas l'écouter tant que je n'aurai pas vu tous les films dont ils parlent. Comme ça, je n'aurai aucun spoiler de rien. Avec Voyage Cast. Oui. Alors je ne sais plus c'est quel numéro, mais si tu veux, je peux retrouver. Oui. Je te laisse parler. Pendant que je cherche. Oui, ils ont fait un truc ensemble. Attends. Avec 24 FPS. Oui. Ah, c'était oui, ok, c'était des films qui incitaient au voyage. Ouais, je l'ai écouté. J'avais pas tout vu. Effectivement, c'était chouette avec Jonathan. Eh ben moi, je l'ai pas écouté encore. Je me le garde au chaud. Ouais, t'as raison. Ouais, j'ai raison. Mais j'ai toujours raison. Bah, okay. Oui, comme tu dis, t'es chez toi. Alors, tu fais ce que tu veux chez toi. Et je retrouve pas, mais on s'en fout. Du moment que moi, je le retrouve quand j'ai envie de l'écouter. Il y a le 66 et le 67, que je n'ai pas encore cité. Je ne les ai pas cités dans ma série spéciale News Tech, Détente, Réflexion et Déconne. D'accord. Dans quelle partie? Dans quoi? Dans quelle catégorie tu les classes? Je les ai mis dans haut. Oh putain, c'est pas sympa. Entre podcasts et scientifiques. Mais les voyages, je ne mettais pas dans les news, ni tech, ni détente, ni réflexion, ni déconne. Donc du coup, je n'arrivais pas à mettre Voyage Cast, ni... sur les routes de l'Asie. Eh ben moi j'aurais fait une catégorie incontournable. Bon, ben voilà, hein. Voilà, mais des incontournables. Ah, t'en as plein. 18. Et alors la plupart rentrent dans les autres catégories. Bon, tu connais l'agence Too Geek ? Oui. Et c'est le podcast que j'ai écouté en tout premier. Ouais. Et la Quadrature aussi alors, je présume. Oui, en même temps. Ah tiens, j'ai oublié le plan B. J'ai pas mis le plan B dans mon super titre. Oui. Il va être aussi dans les news tech ou il va être dans les incontournables. Il va être dans les autres parce que plan B c'est un peu particulier. Mais moi j'aime bien plan aussi B. Aller chercher des tout petits podcasts que personne n'écoute, des trucs un peu cachés au fond, voilà. Ah Café mais raconte-moi Clatch. Des choses que je connais pas. Enfin. Café Clatch, tu connais Quentin, tout ça, Scofred. Je connais pas. Où est-ce que Kenton, tu connais? Quentin, c'est qui ça? Bah, Quentin. Quentin qui a été l'écouter en direct. Si, je connais. Je lui fais un gros bisou. Ouais, on peut faire moi ça. Moi aussi, je lui fais un gros bisou. Je lui fais un gros bisou. Ouais. Je fais surtout un gros bisou à sa grand-mère parce que dans Café Clatch, moi, ce que j'adore, c'est les jingles faits par sa grand-mère. C'est sa grand-mère qui fait ça? Je crois, oui. J'adore ce jingle-là. C'est absolument extraordinaire. Ah, bah, moi, je m'étais toujours dit que c'était eux qui avaient transformé leur voix ou je sais pas quoi. Non. Je crois que c'était dans le pilote ou dans le numéro 1. Ils expliquent que. Enfin, c'est l'un des deux qui explique que c'est sa grand-mère qui a bien voulu participer. Je trouve l'idée géniale. Qui fait les jingles, je suis pas d'accord. C'est absolument fabuleux. Bon, tu sais ce qu'on va faire? Je vais aller chercher un petit extrait et puis comme ça, je le passerai. Je vous ferai écouter ça, comme ça, vous saurez de quoi on parle. Je mettrai également des autres petits extraits à chaque fois qu'on parlera d'un podcast et que je trouverai ça pertinent. Voilà, comme ça vous êtes prévenus d'avance. Si vous entendez une petite musique qui arrive, c'est que vous allez entendre un extrait du podcast dont on parle. Allez, je vous laisse écouter. Café Clatch. Café Clatch. Avec Kenton et Scofred. Et c'est le Café Clatch. Et je suis pas d'accord. Et moi j'étais ici. Moi je suis pas d'accord. Ah voilà, moi je suis d'accord. Bon. Et très d'accord d'ailleurs. Hein. Moi je vous le dis, hein. Ah c'est toi qui te trompes. Ah c'est ça le Café Clatch. Avec Kenton et Scofred. Le podcast, tu connais? Je crois pas. Enfin, le nom me dit quelque chose, mais j'ai pas écouté encore. Alors, tu vois le oiseuf de l'apéro? Mm-hmm. Eh ben, c'est ça toute l'émission. D'accord. C'est complètement iconoclaste, mais c'est super drôle. Enfin, ils sont. Ça fait partie de cette catégorie des podcasts où c'est une bande de copains qui sont physiquement dans le même dans la même pièce, quoi. Comme l'Entrepode, comme l'Improbable. Comme l'apéro, etc. Et ça donne une ambiance qui est un petit peu différente de ce que nous, par exemple, on peut faire avec les sondiers. Parce que là, les sondiers, on est chacun dans notre coin, distribués entre Bruxelles et Londres et Paris, principalement. Et pas que. Et Besançon. Lip, c'est Besançon. Je sais pas. Je mets un joker sur ma géographie. D'accord. C'est pas la biographie, c'est la géographie. Bah, qu'est-ce que j'ai dit? T'as pas dit mais biographie? Non, j'ai dit géographie. C'est enregistré, okay, pardon, donc j'irai réécouter. D'accord, on pourra prouver que j'ai raison. Mais je t'ai fait confiance. Tu devrais pas. Ok, voilà. Ça, c'était la liste des trucs. Mais effectivement, c'est relativement mainstream. J'en connais pas beaucoup d'autres dans cette catégorie-là qui sont vraiment marrants. J'aime bien le côté détendu. J'aime bien le côté tech qui se rapporte, parce que souvent, c'est des geeks. Quoi. J'avais pas remarqué. Donc, non. Ouais. Ah, ça se sent pas du tout quand on... De la tech, c'est ça, hein? J'en entends pas souvent parler dans les podcasts, tiens. Ouais, moi non plus. Non, mais... J'avoue qu'au départ, c'est un petit peu curieux quand même de tomber sur beaucoup, beaucoup de tech quand t'écoutes un podcast. Donc c'est vrai que moi, c'est pour ça que je suis allée écouter des podcasts un petit peu différents. Je suis allée creuser sur d'autres choses, parce que même si la tech me dérange pas, voilà quoi, il y a un moment où soit je suis larguée, soit j'ai fait le tour, quoi. La tech, il faut que ça t'intéresse, il faut que tu le pratiques, sinon je vois pas ouais, trop. Ouais, forcément. Tu vois, l'intérêt, enfin... Ouais, je sais pas trop comment t'expliquer ça. C'est pas forcément que je n'y prête pas d'intérêt. C'est juste que, enfin, faut que ce soit ton domaine, et ça l'est clairement pas, quoi. Pour moi, ça l'est pas. Donc, j'aime bien avec parcimonie, mais pas plus que ça, quoi. Je trouve que c'est là où justement l'intérêt est dans ceux qui arrivent à trouver un équilibre entre les nouveaux produits, les choses qui peuvent les passionner, les gadgets qu'ils ont envie de s'acheter, plus ou moins de sérieux. Oui, mais là, tu me parles des gros trucs que tout le monde connaît. Il n'y a pas des trucs que tu tombes dessus par hasard et... Non, je sais pas. Eh ben moi, j'aime bien fouiller, donc, en fait. Voilà, j'aime bien fouiller. Ok. Donc... Ben, t'as raison. C'est pour ça que je tombe sur des podcasts des fois un peu particuliers, en fait. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par écouter beaucoup de podcasts indépendants et je suis en train de presque redécouvrir le monde de la radio pro. Et d'intégrer des podcasts, ou en tout cas des émissions de radio qui sont diffusées en podcast. Mmh. Du coup, ça me rajoute pas mal d'émissions qui se greffent sur ce que j'écoutais déjà comme podcast indépendant. Mmh. Ouais, je donne toujours la chance, je vais écouter. Et puis après, ben, je garde ou je garde pas. Mais il y a un podcast qui se trouve à la limite de la Belgique et du Québec. L'émission Micro-Cravate se balade de la Belgique au Canada. Ouais, qu'est-ce que je disais? Un dimanche par mois. Mais en fait, je vais te laisser continuer complètement, parce que de toute manière, je peux pas en placer une. Non, mais c'est... Excuse-moi. Salut. Et tu me demandes de te sortir un truc que je trouve que je connaissais pas, que j'ai découvert par hasard en fouinant. Micro-Cravate. Micro-Cravate. Tu vas me dire que c'est toi qui me l'as appris? Non, je connais pas. Alors, comment je suis tombé dessus? T'as trébuché sur un truc et puis t'es arrivé à la page 3, celle où on va jamais, parce que la page 1 encore à la limite, ouais. La 2 si vraiment on est obligé, mais la 3 je vois pas. Ouais, ouais. Et du coup voilà, t'es tombé dessus comme ça. Je devais être en train de zapper sur PodCloud. Et voilà, donc micro-cravate. D'accord. Et alors là, toi tu dirais qu'il faut aller les écouter, ça vaut le coup? Oh putain, tu réponds pas. Non, je réponds ouais, c'est assez étrange, c'est très varié. Il y a des trucs qui ressemblent à des sketchs, il y a des trucs qui ressemblent à des reportages. Ça fait un peu penser à Arte Radio dans son approche très éclectique. Ok, bon. C'est plutôt sympa. En tout cas, là, c'est sûr je recommande. J'irai écouter forcément, pour voir, c'est clair. Bah oui, il faut écouter pour voir. Après, moi, c'est pareil, c'est téléchargé, donc du coup, je le garde pendant un temps, et puis après, si ça finit par m'accrocher, ben ça, il reste en permanence, puis sinon, ben, à un moment donné, ça disparaît. Il y a des podcasts auxquels j'ai pas forcément adhéré, comme Trois Bières ou des trucs comme ça. Ah ouais, moi j'adore. J'aime bien, mais finalement, je sais pas pourquoi, j'ai décroché. Mais ça fait partie des podcasts qui... Où là, tu vois, t'es pas obligé, en fait, de les prendre tous à la suite, parce que si t'en rates un, ça n'a aucune importance, en fait. Et puis, ça passe très bien comme ça, quoi, même si t'as raté les 10 derniers. Tu peux prendre n'importe où. Donc, moi, j'aime bien aussi les podcasts comme ça, où t'as pas, justement, une ligne conductrice hyper précise, et puis un fil conducteur que tu dois suivre forcément si tu veux comprendre l'épisode d'après, des choses comme ça. Enfin, j'ai un peu l'impression de comparer ça à une série, mais tu vois, t'as des séries où si tu rates un épisode, t'es largué, et puis t'as d'autres séries où ça va bien, tu peux prendre à n'importe quel moment et puis t'arriveras à suivre, quoi. les vieilles séries, ça faisait ça. Eh ben, c'est un peu comme ça. Trois bières, tu le prends n'importe quand, quoi. Ça va toujours bien. Moi, j'aime bien. Réabonné. J'aime bien quand j'ai envie de rigoler un petit peu. Je peux même pas dire pourquoi j'avais décroché. À un moment donné, j'ai décroché. Ou peut-être bah, que si. Je l'ai perdu dans mes settings. T'avais plein de têtes au carré à rattraper. Il fallait bien à choisir. À rattraper, hein, peut-être, oui. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Mathieu Vidard, bien sûr. Mathieu Vidard, C'est un mec extraordinaire. J'adore sa manière de travailler, sa manière d'interviewer les gens, sa manière de préparer ses dossiers. Il est extraordinaire. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il amène vraiment ses invités à parler technique, scientifique, science, aller creuser dans le fond. Et il est toujours conscient de ses auditeurs. Donc, quand il le faut, il les arrête et il dit « ça, il faut qu'on explique, ça c'est trop compliqué ». Mathieu, si tu m'écoutes, dis-nous ton secret. Il bosse. Bah, il bosse, ouais. Oui. Mais c'est extraordinaire. Les bouquins, ils sont lus ou en tout cas, ils sont parcourus. Il a des fiches ou j'en sais rien, mais on sent qu'il connaît et c'est dans tous les domaines. Pour moi, c'est la force de la tête au carré, c'est que c'est tout le temps une surprise, que ce soit la biologie, l'espace, la tech pure, les mathématiques. Enfin, c'est fabuleux. T'es amoureux, hein. T'es amoureux là, quand même. J'aurais du mal à ne pas mettre Podcast Science dans ma liste des podcasts scientifiques parce que là, on est justement sur des amateurs ou pour certains de plus en plus des semi-amateurs parce qu'il commence à y avoir des experts et des spécialistes dans l'équipe. Mais là, on est vraiment dans des gens dont c'est pas le métier qui font un super boulot. Donc Podcast Science, c'est vraiment des gens super. Mais dans les podcasts professionnels, la tête au carré, c'est extraordinaire. J'écoute d'autres trucs. Il y en a un que j'ai découvert tout à fait récemment, qui est une émission récente, belge, sur la première. Ça s'appelle Paraplus B, et j'aime beaucoup le concept aussi. Là, dans le concept, c'est une hebdomadaire, donc c'est plus facile à écouter. Il fait venir un spécialiste et un junior. Alors, junior, entre guillemets, ça peut être un doctorant ou ça peut être un jeune docteur. Dans un domaine de recherche, ils en parlent de manière ouverte. Ils abordent les difficultés, le plaisir d'aller, le pourquoi ils sont allés dans ce domaine-là, le pourquoi fallait pas y aller, qui est assez amusant. Il y a une séquence où ils développent le vocabulaire utilisé, qui permet de nouveau à l'auditeur lambda de comprendre de quoi on parle. Et il y a une expérience réalisée en direct. Et c'est génial. C'est absolument super. Alors certaines sont pas trop radiophoniques, donc ils donnent des références ou des trucs comme ça, mais il y en a qui sont vraiment radiophoniques. Il y avait un truc sur les sons que produisent les poissons. Apparemment, les poissons auraient un langage, ou en tout cas certains poissons ont un langage, et ils sont carrément venus avec un bac où il y avait des poissons dedans, ils les ont sortis pour qu'on puisse écouter le bruit que les poissons font, soit avec leur bouche, soit avec leurs branchies, soit avec leurs nageoires. Parce que c'est pas toujours la manière de concevoir la communication, c'est pas que par la bouche. Donc du coup, ouais, il y a des spécialistes qui mettent des micros. Alors moi, évidemment, je suis passionné par le son, donc ça m'intéressait. Mais il y a des gens qui mettent des micros sous la mer et qui écoutent les conversations, et qui essayent de décoder si c'est un langage ou si c'est uniquement... Des cris ou si c'est des tas d'animaux qui font des tas de bruits différents. C'est le genre d'émission que j'aime beaucoup parce que on y apprend des trucs, parce que c'est complètement en dehors de ma discipline. Mais moi j'ai toujours été passionné par les sciences, donc là je me régale, je m'en bouffe au moins une par jour avec La Tête au Carré, puis une par semaine avec Sur les épaules de Darwin, oui, avec Jean-Claude Ameisen. Mmh. Avec Étienne Klein et sa conversation scientifique, qui est parfois un peu ésotérique parce qu'il peut aller jusqu'à la philosophie ou des trucs comme ça. Il me parle un peu moins, mais bon, j'écoute. C'est toujours intéressant de rencontrer des gens et de les écouter. Mais de manière générale, de toute façon, ceux qui font des podcasts sont des gens passionnés. Et les gens passionnants sont juste agréables à écouter. Ils pourraient te raconter n'importe quoi du moment qu'ils sont dans leur monde. Ils ont quelque chose à transmettre. Donc t'écoutes. Oui, exactement. Tu sais, comme... Je me retrouve très facilement scotché par une émission ou l'autre. Ah, c'est mon tour de parler. Oui, mais je t'écoute. Je t'écoute, vas-y, donne-moi ta liste. Non, je te taquine, mais tu sais quand même que là, ça fait déjà, t'en voir, 48 minutes qu'on parle et en fait, non, je t'écoute. Mais ça m'étonne pas du tout, hein. Je suis pas du tout en train de me moquer de toi, mais ça me fait penser à la première fois où on s'est parlé sur Skype. Je me suis dit... On a mis 3 heures, 4 heures, je sais même plus. 3 ou 4 heures, ouais. Un demi-podcast, quoi. Ouais, mais... on aurait pu l'enregistrer. Ouais. Comment on s'est retrouvés là, en fait? Bah, parce que tu avais des problèmes avec le son. Ou tu avais des questions à poser sur le son, je sais plus. Ah oui, j'avais posé une question, mais je t'avais pas posé une question à toi. J'avais posé une question... cantonale. Oui, voilà. Plusieurs personnes m'ont répondu que c'était mort, hein. J'avais rien à faire avec mon problème, hein. Je pouvais m'asseoir dessus. C'était le coup de la réverbe dans la cuisine de chez ta copine. Mais voilà. C'est pas grave, hein. Effectivement, on peut s'asseoir dessus, j'ai bien compris, mais c'est pas grave. Ben, du coup, au moins, ça aura servi à quelque chose, on se sera rencontrés. Et puis, t'es venu m'aider. Et je me suis dit, pourquoi il veut m'aider, ce mec? Enfin, si, je me suis pas dit c'est qui, puisque je savais qui tu étais, mais je me suis dit pourquoi tu viendrais m'aider à faire quelque chose, quoi. Ça, c'est un truc. Et j'ai pas la réponse. Oh, c'est mignon. Je sais pas, parce que je suis gentil. Parce que t'es gentil, d'accord. Moi, je suis pas gentil. Je suis pas gentil. Non. Non. Et puis, bon, ok, tu commences à m'expliquer que même avec toute la bonne volonté du monde, c'est mort. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, on fera quelque chose de moins pire. J'ai compris ça, en gros. Ouais, on a à peu près sauvé les meubles, quoi. Ouais, et les meubles de cuisine. Bon, ok. Exactement. Et puis ça, c'était compliqué, en fait, à expliquer. Ou non, je sais rien. Mais en fait, après, le soir, tu m'as dit... tu préfères qu'on en discute par Skype? Ouh, je me suis dit, oulalalala. Discuter de quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que je lui dis? Attends, je me suis dit, oulala, qu'est-ce que je réponds? Est-ce que je réponds oui? Est-ce que je réponds non? Est-ce que j'ai envie de discuter avec toi sur Skype? Est-ce que j'ai pas envie? Est-ce que... Oh. Ouais, si, quand même, j'ai grave envie. Mais en même temps, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui raconter quoi, ce gars? Ah, ben, en fait, avec toi, il n'y a rien besoin de raconter, en fait. Il y a juste besoin de t'écouter, c'est ça. Je me suis parlé et au bout de 4 heures, on y est encore. Non, sérieux, je me suis vraiment dit, qu'est-ce que je lui réponds? Est-ce que je réponds oui? Est-ce que je réponds non? Mais je me suis vraiment demandé ce que j'allais te raconter, quoi. Et puis j'avais un cours le soir-là, donc je suis partie faire mon cours et je suis arrivée en retard forcément parce que, bref, et je me suis dit. Oh, allez, on s'en fout, on verra bien, et puis voilà, et puis il y a un moment où c'est que au bout de je sais même pas combien de temps, on a dit on va peut-être aller se coucher, je pense, hein. Ouais, puis c'était 3 heures plus tard. T'en sais rien. C'était tard. Bon bah t'as bien fait de venir me secourir, hein. Mais. Ben mais c'était pour trouver des solutions qui te permettaient de d'inviter des gens dans tes hors-séries, dans tes futures hors-séries, parce qu'à ce moment-là c'était pas encore des hors-séries. Ouais, mais finalement on a discuté de ça un quart d'heure. Mais en fait, c'est profondément égoïste ce que je fais. Hein. Ah. Je le dis à tout le monde, c'est profondément égoïste. Ah, parce que tu penses que ça, là, ce que je viens de dire, on va pas le couper. Non, mais on peut le laisser, parce que je l'ai toujours dit. Donc, en fait, le j'aime bien aider. Alors, d'abord parce que j'aime le son. Oui, et je, attends. Parce que c'est. Je pense que je sais ce que tu vas dire, et je pense que je vais te rejoindre sur la même idée après. Mais vas-y, développe-la, et je me tais. Donc, Il y a deux raisons. D'une part, parce que j'aime le son et que du coup, j'aime l'expérimentation et que ça donne de la matière. Il y a un problème et j'essaye de le résoudre et là, j'ai un exercice pratique. Donc ça, c'est déjà par pure curiosité intellectuelle et pratique d'essayer de résoudre un problème. L'autre, et c'est ce que je dis à tous les gens de la sagasphère d'une manière générale qui me disent ouais, c'est super, t'es gentil de m'aider, c'est que moi au final ça me permet d'écouter des trucs, parce que si on me propose des trucs, des podcasts, des sagas MP3 et qu'elles sont de qualité et qu'elles me plaisent et qu'elles sont sympas et tout, moi j'y gagne, donc ça me dérange pas de passer du temps, d'abord parce que ça m'intéresse, puis ensuite parce que au final ça me permet d'écouter des trucs. C'est ça que tu voulais dire? Oui. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Moi, je suis convaincue que les gens qui aident les autres, c'est profondément égoïste. C'est complètement perso. Bon. Mais attends, je t'explique. on fait jamais, enfin, ouais, je pense vraiment qu'on fait jamais rien sans rien, sans raison. Tu peux aider quelqu'un ou tu peux filer un coup de main à quelqu'un ou rendre service, voilà. En fait, quand tu fais plaisir à quelqu'un, tu te fais plaisir à toi. Je sais pas, comme le bénévolat ou des choses comme ça, t'es pas animé. Moi, ouais, j'y crois pas aux gens qui sont animés d'une grande... une grande sincérité pour aider son prochain, blablabli, blablabla, mon cul sur la commode, c'est des conneries tout ça. Non, mais on tire toujours un plaisir, ne serait-ce que dans l'échange et dans la communication. Voilà. Et c'est d'abord parce que c'est gratifiant pour toi, c'est obligé. Pour moi, il n'y a rien de gratuit. Bon, après, j'ai une idée quand même assez acide de la société qui nous entoure, mais pour moi, il n'y a rien de gratuit, quoi, c'est clair. Et donc, si quelqu'un vient t'aider, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Alors, c'est peut-être pas forcément une mauvaise idée derrière, hein, pas du tout. C'est pour en retirer de la satisfaction de l'autre, non? Oui, peut-être. Je sais pas, j'ai jamais analysé. Quand je dis ça, c'est presque en blaguant, mais c'est que presque en blaguant. Parce que, effectivement, ça m'intéresse de partir sur des cas réels et pas des cas artificiels. Ça m'intéresse de rencontrer des podcasteurs et de leur dire, tiens, là, je suis sûr que t'es trop loin de ton micro, rapproche-toi de 4 cm et tu vas voir, ce sera mieux. Parce que j'ai cette expérience et que du coup, je vais pouvoir écouter un podcast et me dire, ah ben tiens, il est à la bonne distance de son micro, j'ai pas de la réverbe dans les oreilles. Alors attends, mais parce que je sais non, pourquoi. Mais vous savez ce que vous m'avez conseillé avec toi et Seb du FLE. Je sais plus, je devais être sûrement loin de mon micro, j'en sais rien, un truc comme ça, je sais plus exactement, hein. Mais vous m'avez quand même conseillé de me scotcher la tête sur le micro et de m'enfermer dans les chiottes. C'est pas moi qui ai dit ça, j'aurais jamais dit ça. Si, j'aurais peut-être dit, je me souviens plus. Mais ça fait partie des conseils qu'il faut donner, parce qu'il faut à un moment donné bien débuter. Il y a forcément un début à tout et que... Je crois que une des choses, je suis assez conscient, c'est que j'ai pas de formation d'ingénieur du son, de sondier d'une manière générale, et quoi que ce soit. Et donc du coup, il y a beaucoup de choses que j'ai apprises sur le tas, par l'expérience, par l'intérêt, en lisant, en me renseignant. Mais c'est souvent des choses que j'ai rencontrées moi-même, des problèmes que j'ai rencontrés moi-même ou chez d'autres, et qu'on a essayé de résoudre ensemble. Et du coup, on est forcément dans une situation où on a des équipements plus ou moins adaptés, plus ou moins compatibles entre eux et dont on sait plus ou moins se servir. Et tout ça fait que ben c'est toujours un challenge de se dire, voilà, on démarre, qu'est-ce que t'as comme matériel? Ah ben, t'en sais rien, ben on va essayer de trouver, on voit une photo, à partir de là, on va essayer de déduire, on va faire quelques expériences. Et de là, et pour moi, c'est un vrai plaisir de découvrir l'intitulé du problème et ensuite d'en trouver la solution. D'accord. Donc on rejoint bien ce que je disais. Mais il y a un vrai jeu. Il y a un jeu pour moi, effectivement. Bah oui. Et on est sur des cas réels. Donc on est d'accord. Donc en fait, on était cobayes. Ouais. Oh, je suis un hamster, en partie, ouais, oh mon suis... Dieu. Non. Un hamster, oui. J'imagine les joues et tout. On voit une photo avec des trucs dans les joues. Je suis désolée, mais... <C'est>... Bon. Mais c'est d'abord par la sagasphère que j'ai appris à faire du son. Enfin, j'avais appris à faire des trucs par avant, mais c'est là que j'ai un petit peu peaufiné mon expertise, mais une expertise d'amateur. Donc j'ai toujours ce recul de pouvoir me dire, voilà, on a des micros pourris, j'ai déjà utilisé, des préamplis pourris, j'ai déjà utilisé, des cartes de base, j'ai déjà utilisé, et j'ai déjà rencontré ces problèmes-là. Et quand je dis « je », c'est le collectif, c'est moi et les autres qui avons partagé notre savoir et qui l'avons un petit peu assis. Ça m'amuse, donc c'est pas du temps perdu de passer du temps à essayer de trouver une solution. Donc je considère pas ça comme du temps perdu. Et en plus, si au final ça me permet d'écouter une émission que je trouve intéressante, dans de bonnes conditions, sans avoir parfois à retraiter le son parce que le son est tellement pourri. Oui, alors, honnêtement, il y a des podcasts que j'ai repassés au banc, c'est pas pour pouvoir possible, les écouter. Mais il faut vraiment avoir envie de les écouter. Ben oui, si le contenu est intéressant, je fais comment? Ouais. Eh ben moi je les écoute, même si c'est une merdique. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, si tu peux pas entendre, si les conditions sont tellement catastrophiques, il y a des moments où t'as de la sibilance, ça me vrille les oreilles. Stop, pause lexique. On finit avec un mal de crâne. On fait une pause lexique. Sibilance. sibilance. Quand je fais ah oui, tu me l'avais déjà dit. Voilà, c'est la sibilance. C'est une fréquence qui apparaît avec les sons S, qui est à peu près entre 7 et 8 000 Hz. Oui, tu me l'avais déjà expliqué. Voilà, je l'avais dit, mais voilà, je réexplique pour nos auditeurs. Pour moi, ça fait partie de la philosophie du podcast. 100% de l'esprit du podcast et d'Internet d'une manière générale. Tout ce que j'ai appris en matière de son me vient d'Internet. C'est des trucs que j'ai appris sur Audiofanzine, sur d'autres endroits. Donc je restitue ce que j'ai appris gracieusement. Et ça aussi, je l'ai déjà dit, ça fait vraiment partie pour moi, c'est un retour naturel d'un esprit communautaire, d'entraide des uns des autres. Et j'aime cet esprit. Là, j'ai vraiment, je me retrouve, je tiens à donner, à rendre ma dîme, parce que j'ai reçu plein de trucs gratuitement d'Internet. Et je fais pareil. Je tiens, ça fait peut-être partie de mon éducation ou de ma philosophie, de ma manière de voir les choses, de me dire les gens ont pas attendu que j'ai un problème pour déjà donner la solution, donc je fais pareil. Parfois le truc c'est que le son c'est pas très compliqué jusqu'à un certain point. Franchement ça me fascine quoi. Ouais, je vais finir sur la croix comme le Christ. Bof, c'est pas super, hein. C'est pas super comme fin. Et puis bon, voilà. Non, mais vraiment pour moi il y a une vraie sensation d'échange et c'est pas forcément synchrone. C'est parfois recevoir de l'un et offrir à l'autre. Mais j'ai vraiment cette sensation que ça se redistribue derrière. Donc du coup, non, je suis très content de faire ça. Alors qu'est-ce que je vais t'apporter moi? Ben, tu m'apportes des podcasts tous les 15 jours. Non, mais voilà, il n'y a pas à apporter à moi, ça peut être apporté à d'autres. C'est fait vraiment partie de cette chaîne, quoi. Je vois vraiment l'aspect communautaire, et je considère vraiment Internet dans son ensemble par son aspect communautaire et ses aspects communautaires. Sachant que c'est complètement perméable, il y a énormément d'échanges entre les gens qui faisaient des blogs, des gens qui ont fait des podcasts. Si on regarde tout ce qui touche la saga MP3, le théâtre radiophonique, c'est complètement perméable, toutes ces choses-là. C'est plein de communautés qui offrent. Il y a le côté de... On a le plaisir de faire et on l'offre derrière. Ouais, non, c'est clair que... Alors, honnêtement, moi, je ne m'attendais pas à ça. Quand j'ai commencé, je m'attendais à un truc très solitaire. Et puis, finalement, ce n'est pas le cas du tout. Un côté famille, amis, camarades, qui se génère de manière automatique. Quand on voit les travaux de Feel Good et de Pof, Magic Fingers, avec PodCloud et tout ce qui va derrière, et les efforts et le boulot qu'ils font pour comme ça, juste pour le plaisir, c'est aussi pour leur propre plaisir. Alors peut-être pour le plaisir de coder des sites internet ou de faire de la radio aussi, je sais pas, je suis pas dans leur tête, mais il y a un vrai plaisir aussi à offrir à la communauté des solutions. Peut-être parce qu'ils en ont cherché pendant un temps, qu'ils les ont pas trouvés, que du coup ils les ont développés, qu'ils préfèrent les offrir que de se les garder pour eux, ou de décider de les mettre en vente, j'en sais rien. Il y a aussi peut-être la même sensation que j'ai d'échanger, d'offrir des trucs qu'ils ont reçus par ailleurs. Peut-être. Alors on leur fait aussi un gros bisou. Ben, on peut leur faire un gros bisou, hein. Un chacun au moins. Ouais, bien sûr. D'accord. Donc il se peut. Quand on demande, enfin quand on fait appel, qu'ils soient pas là parce qu'ils sont à un mariage ou à la piscine. Mais ouais, chacun sont à la piscine, a une vie. Ils avaient piscine, donc ils ont pas pu répondre tout de suite. C'est ça, oui. J'avais les cheveux mouillés, etc. Je sais pas, je suis pas dans leur tête non plus. Personnellement, je suis assez procrastinateur. Donc si je dois bosser et que en même temps j'ai un sujet qui est bien pétillant sur un souci de réglage de micro, il y a des chances que je me penche sur le souci de réglage de micro avant de bosser. Donc s'ils sont pareils, on réagit assez vite. Je pense qu'on va repartir à discuter de podcast, non? Je sais pas. Bon, Si on fait tu que veux. ça depuis tout à l'heure, mais. Tu veux me vendre des podcasts super non mainstream, mais moi j'en connais pas, donc il faut que tu m'en donnes. C'est très spécial. En fait, j'aime bien les trucs hyper bizarres et tout ce qui est un peu expérimental, en fait. Est-ce que tu connais Faune? Non, non, non, ça me dit rien du tout. Et Haune. Ça veut dire va chercher. Tu me l'épelles parce que ça veut dire va chercher. Non, c'est pour que tu le retiennes. Il n'y a aucune chance. Moi, si je note pas le truc, je retiens pas. Et puis, c'est pour nos auditeurs. On est en train de faire un podcast, là. Donc, nos auditeurs doivent connaître. Tu sais, je pense que ça fait longtemps qu'ils ont compris qu'on discutait tout seul, quoi. Je suis désolée. Je suis désolée pour eux, alors. Non, c'est pas grave. Non. Ils vont nous comprendre. Ils vont nous excuser par défaut. Phoneradio.com. C'est, alors, le truc le plus parlant, c'est les nuits de la faune. Parce que je crois que c'est à l'origine, c'est ce qu'ils ont fait. C'est une radio issue de radio, ou en tout cas, c'est un programme issu de Radio Grenouille. Et c'est un peu expérimental à base de, orienter, animaux. Tu veux un truc bizarre? Je te propose un truc bizarre. Je te lis la phase d'accroche. Faune Radio vous invite à une exploration de l'animalité et de ses univers sonores, un voyage au plus près des biotopes sauvages et imaginaires. Ça donne pas envie, ça? Ah, c'est très curieux, effectivement. Je te promets que je vais écouter. Ah, il faut, c'est très très bien. Tu m'enverras le lien et je le mettrai. Okay. Je le mettrai dans les liens de l'article. D'accord. Donc, non, Faune, c'est bien. C'est assez étrange, mais ça vaut le coup d'écouter. Alors, c'est à mon tour. Mais je t'ai proposé Faune, c'est ton tour. C'est à mon tour. Il y en a un autre que j'aime bien, ça s'appelle Sur la terrasse. Mais ce sont des filles. Et pendant que nous parlions, j'ai mon podcast addict qui vient de me dire Sur la terrasse. C'est un podcast animé par Eliane et Fanny. Mmh. Elles se retrouvent chaque semaine sur une terrasse pour discuter de la vie et de leur quotidien de trentenaire urbaine célibataire. Ah, voilà, j'adore. Ah, c'est Sex in the City. Oh putain, version québécoise. T'es chié. Pourquoi? C'est très bien, Sex in the City. Oh, ah bon? Bon, ben, moi j'aime pas. La série, pas le film. Ah, pareil, ni l'un ni l'autre. Bon, elle m'énerve. Tant pis, c'est pas grave. Mais bon, bref. 11 épisodes. Ouais. Ouais, elles sont marrantes. Chargé, automatique, subscribed. Donc ça viendra automatiquement dans mon téléphone. Ben voilà, moi j'aime bien. Et elle fait, il y en avait une des deux qui faisait aussi le podcast Souper de filles. Souper psy. Souper de filles. Ah, souper de filles. Ouais. Ah, finalement, ma diction, elle est plus si bonne à cette heure-ci. Hein. Ah non, c'est moi qui vieillis. Ah bah oui, merde, c'est vrai, t'as dit que t'étais sourd. Souper de filles, c'est la même fille. Ouais. Oui, il y en a J'aime une bien des deux podcasts qui... avec des voix de filles. Il y en a une des deux qui est... qui se retrouve dans les deux podcasts, Sur la terrasse et Souper de filles, et ça, j'aime bien, quoi. Souper de filles est un podcast où nous répondons à vos demandes de conseils, d'opinions et de trucs pratiques pour votre vie personnelle. Oui. Les Jeannette Bertrand du futur, point d'interrogation. Oui. Oui. Non, mais dit comme ça, ça les décrédibilise. Mais... Pourquoi je lis? C'est pas moi qui l'ai écrit, le texte. Ouais, mais attends, tu mets l'intonation... Ah non, non. Moi, je leur tire mon chapeau parce que c'est vraiment bien ce qu'elles font. Bon, le podcast, il est en pause en ce moment, mais ça n'empêche pas d'écouter les anciens. Ouais, dernier épisode, 25 novembre 2014, 10 épisodes. Ouais, bah, c'était il n'y a pas longtemps. Tu sais bien que moi, j'écoute les podcasts. Oui, oui, d'accord. Non, ça peut. Très, très en retard. Donc, ça change rien à ma façon d'écouter ce genre de choses. Et c'est super d'accord. Marrant. C'est vraiment super marrant, quoi. Ouais. Ben voilà, quoi. Faut aller faire un tour. Voilà. Vraiment, faut aller faire un tour. J'aime bien. Et Sur la terrasse, c'est pas mal aussi. Et là, du coup, c'est un peu expérimental. Tu vois, ça rejoint ce que je disais. En fait, les personnes, elles sont sur, Elles sont sur une terrasse. Ouh, c'est bien expliqué, hein. C'est incroyable. Moi, c'est recherché. Non, non. Elles vont à un bistrot à chaque fois différent. Et elles ont un petit micro portable et elles se calent dans un coin tranquille et elles font leur émission comme ça. Et j'ai encore perdu le fil. Oui, c'est vieux, d'accord, ok. Non, mais attends, je te dis ce que j'écoutais, je te dis pas... Mais je ne te le reproche pas d'avoir des vieux si, trucs. Si, je le sens bien, là. Oh. Il faut avoir peur de rien. Moi, j'ai écouté un podcast sur l'équitation. Alors, tu vois. Mais... Le cheval, c'est vraiment génial. Ah, les cons, cette pub, ça, mon hein. Dieu, avec des poneys qui sautent partout. Non, non, moi, puis en plus, je fais... Enfin, bref. Donc, je suis allée écouter ça parce que je fais du cheval, hein, tu t'en doutes, sinon je serais pas allée écouter ça. C'était pas un podcast où on allait parler équitation. Moi, je pensais que c'était ça, quoi. En fait, pas du tout. La personne, elle fait... je vais essayer d'utiliser des termes pour que ça parle. Et quand tu fais de l'entraînement, en fait, il y a des techniques, il y a des positions, il y a des figures à faire, quoi, des choses comme ça. Et son podcast, en fait, c'est comme si elle te faisait l'entraînement. Donc, en fait, tu dois l'écouter, mais sur ton cheval. Génial. J'ai trouvé ça top, hein. Mais t'as pas besoin de tes oreilles pour écouter ton environnement quand t'es sur ton cheval. Si, je crois que c'est l'endroit où je n'écoute jamais de podcast, vraiment. Et puis je fais plus d'entraînement depuis longtemps. Je fais que de la rando, donc j'ai pas besoin de. Ouais, bon. Si, j'aurais peut-être besoin encore de temps en temps de faire de la remise en selle et puis de la remise à niveau. Mais pour l'instant, j'en ai un peu rien à foutre. Je fais que de la rando. Donc, à part quelqu'un qui pourrait m'apprendre à lire une carte d'état-major, j'ai pas trop besoin de ça, mais j'avais trouvé le concept super intéressant, quoi. Donc voilà, donc il y avait une personne qui faisait ça, j'ai trouvé ça bien. J'imagine, tu vois, ça doit être comme certains podcasts où t'as un coach qui te parle et qui te motive quand t'es en train de courir ou quand t'es en train de faire des choses comme ça. Hein. Ça existe, ça. Hein. Il y a des podcasts pour ça. Ouais. Donc en fait, tu te mets ta prof dans les oreilles. Non, mais c'est une méthode. Mais je suis pas persuadé quand même de la méthode. Ah, c'est spécial, quoi. Je sais pas, tiens, c'est pareil que les podcasts qui te font visiter une ville. Il y en a qui font ça. Eh ben, comme sur les routes de l'Asie. Parce que tu visites pas toujours une ville, tu visites l'Asie. Tu connais pas sur les routes de l'Asie? C'est vraiment bien. Ça donne envie d'aller voyager un peu. Et de préférence vers l'Asie. C'est ce que j'allais dire, ouais. Sinon, c'est... Oui. Quoique, si t'es allergique à l'Asie, en écoutant le podcast, peut-être que ça te donne envie d'aller vers les États-Unis, j'en sais rien. Mais non, c'est très bien sur les routes de l'Asie. Le gars qui fait ça invite quelqu'un qui connaît une région particulière de l'Asie et il invite à en parler. Alors, lui-même habite Singapour. C'est un Français qui habite Singapour. Donc, le dernier épisode, enfin les deux derniers épisodes, ils ont parlé de volcans au Japon, sur l'ensemble de l'archipel du Japon. Une fois, il a fait un podcast, un crossover avec Jonathan, où ils ont parlé de plongée sous-marine à Palawan, aux Philippines. Il va en avoir marre, Jonathan, qu'on parle tout le temps de lui, hein. Que je parle tout le temps de lui. Il va en avoir ras-le-bol. Non. Il n'y a pas de raison, c'est un copain, il est très sympa. J'ai déjà dit coucou dans l'émission. Ah, je ne sais pas si tu lui as déjà fait des léchottes, mais ça ne me regarde pas. Hein. Donc, si je ne l'ai pas fait, je lui refais coucou, salut Jonathan. Si, je l'ai déjà fait en début d'émission. Bref. C'est pas grave. En tout cas, il a fait un crossover sur Palawan. Oui, je confirme. Ça parle de Taïwan, ça parle de plein d'endroits autour de l'Asie. Et c'est toujours bien fait avec un rythme. C'est sur le ton calme de la conversation et de l'envie de les gens qui sont invités sont des gens qui connaissent vraiment bien les endroits dont ils parlent. Donc du coup, ça a pas une approche pour touristes, c'est une approche pour gens un petit peu plus pas forcément backpackers, mais avec un esprit plus proche de l'authenticité des gens locaux et de l'envie de discuter, de communiquer avec eux. Donc c'est pas je me pose sur une plage et puis j'en bouge plus pendant une semaine. Oui. Du coup, c'est sympa. Ouais, je comprends. Bon, ça, c'est vraiment le type de voyages et de vacances qui me désintéressent complètement, quoi. Si pour aller faire des mots croisés sur la plage, j'en ai pas besoin, quoi. Ouais. Donc voilà, il donne vraiment envie parce que il arrive à faire ressortir la quelqu'un qui connaît pas du tout l'Asie d'une manière générale et qui va confondre le Japon, les Japonais et les Chinois. Ah, c'est pas les mêmes personnes? Non, mais il y a des gens qui voilà, exactement. on a un espèce de cliché où on fait pas trop la différence entre l'Indonésie, la Thaïlande, les Philippines, tout ça, c'est un peu un melting pot dont on a du mal à s'extirper. Mmh. Et là, il peut vraiment, avec cette émission, on va vraiment dans la compréhension d'un pays, d'un territoire, d'un peuple, des différents gens qu'on va pouvoir y rencontrer, de la culture qui est derrière. Et c'est toujours fait avec beaucoup de finesse, beaucoup d'amour pour le voyage et pour l'Asie. Donc, de la passion, en fait. Hein. Quand tu réfléchis bien, finalement. Oui, il y a clairement une passion derrière. Mais dans tous les podcasts et tous les podcasteurs qui parlent de leur sujet de prédilection, c'est toujours des passionnés, quoi. Mais en fait, c'est ça que j'aime bien, si tu veux. J'aime pas les gens lisses, tu vois. Moi, j'aime bien les gens qui sont toujours à fond dans un truc. Les gens trop, voilà. Moi, j'appelle ça les gens trop. Ou trop de tout. Et en fait, c'est des gens passionnants parce qu'ils sont passionnés. Tu comprends? Oui, tant qu'ils arrivent à être suffisamment conscients de leur passion pour pouvoir aussi l'exprimer. Ils tombent pas dans une espèce d'autisme autour de leur passion, ce qui fait que ils seraient tellement dedans qu'ils n'arriveraient même pas à te dire pourquoi ils apprécient. Là, on est encore sur des gens qui ont une grande lucidité sur leur passion et du coup qui peuvent la communiquer de manière intéressante. Oui, oui, c'est sûr qu'il faut que la personne elle soit un minimum. Ouais. Voilà. Donc celui-là, je le recommande. C'est le nom du gars, c'est Lanzarote, je crois, quelque chose comme ça. En plus, j'adore le générique. Il a une musique super. Qu'est-ce que j'écoute d'autre aussi que j'aime beaucoup, que je rate pas? Ne me demandez pas pourquoi j'écoute ça le dimanche. Peut-être ça sort le dimanche, j'en sais rien, j'ai jamais fait gaffe. Et La Vie des Moutons, c'est le dimanche. Ça dure pas très longtemps en même temps. Hein. Ça dure quoi? Je suis pas un quart d'heure. Et tu connais? Oui, je connais, mais j'ai jamais écouté. Alors. C'est quelqu'un qui a envie de parler. Non, de gueuler. Il gueule. Non, il gueule pas. Non, je plaisante. Il exprime son mécontentement. Non, il gueule pas, quoi. Tu vois, c'est le genre de conversation que tu pourrais avoir avec quelqu'un quand tu refais le monde ou quand tu t'énerves devant une info, enfin un truc comme ça, quoi. Ouais. Mais du coup, je regarde plus les infos à cause de ça. Donc, du coup, non, ça m'attire pas. Enfin, ça me dérange pas que ça existe, hein. Mais je comprends. C'est Picaboo qui fait ça et j'aime bien ce qu'il fait quand il fait Bricolo et Mulot. Mais peut-être donc, je vais pas dire du mal de lui, mais. Ah bah si, t'as dit du mal de lui d'ailleurs. Mais je suis pas fan du concept de râler, donc du coup. C'est parce que je te l'ai mal présenté, j'aurais pas dû dire ça. Ah, je recommence. D'accord. Bon, et je m'en ferai peut-être un ou deux. Non. Mais comme c'est jamais les mêmes personnes qui parlent. C'est ça qui est bon. Ça sera pas significatif. Mais ils non. Ils vont faire un ou deux, ça tomberait sur les bons ou sur les pas bons, je sais pas. Tu m'angoisses, là. Mais j'espère bien que tu vas regretter d'avoir dit que tu avais pas envie d'écouter, j'espère bien. Voilà, ça fait partie des choses qui sont à concept aussi. À lui tout seul, il va inventer un podcast participatif. Donc, c'est-à-dire que n'importe qui peut venir laisser un message et pousser un coup de gueule ou donner son opinion sur telle ou telle chose. Alors, je pense pas trop qu'il y ait des gens qui viennent dire des choses bien et partager les petites fleurs et les arcs-en-ciel. Mais j'aime bien. Bon, on entend souvent Phil quand même, hein. On entend souvent Phil Good. Ah, ok. Qui a la salvanie d'ailleurs de fumer pendant qu'il fait l'enregistrement. Eh ben, faut lui dire. J'ai déjà dit, je pense. Non, mais c'est très bon. Celui que je vous conseille, c'est celui où il parle des vidéos que postent les terroristes. Il est allé dans une réflexion assez pertinente et j'ai trouvé ça super intéressant. C'était il n'y a pas très très longtemps. Donc voilà, okay. T'iras écouter parce que c'est bien. Non, ça vaut le détour et moi, c'est pas que des gens qui gueulent. Hein. J'ai peut-être. Pour faire plaisir. J'ai dit qu'ils râlaient, mais non. Enfin, puis moi, j'aime bien des fois les gens qui râlent, non? Ok. Merci. Moi, j'en ai suffisamment autour de moi pour pas avoir envie d'aller me faire spécialement un podcast de gens qui râlent. Je me trompe probablement parce que c'est, alors là, c'est complètement arbitraire, du feeling et subjectif, puisque j'ai même, enfin, c'est même pas subjectif, c'est j'ai même pas écouté. Donc, ouais, je couperai rien de tout ça. Hein, tu sais, il va t'écouter. J'assume. Je dirais du bien de lui pour les Bricolo et Mulot. Moi, j'aime bien Bricolo et Mulot. C'est... Moi aussi, ouais, c'est plein de bonnes idées. Voilà. J'ai une grande télé qui est connectée avec mon iPad. Donc, comme c'est une vidéo YouTube, hop, je la cherche et je la balance sur mon grand écran. Et ça, c'est cool, quoi. Je suis bien tranquille dans mon canapé et je le regarde bricoler. C'est épuisant de regarder les gens bricoler, hein, vraiment. Mais c'est bien, Bricolo et Mulot, c'est très bien. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. Oui, ouais, c'est varié. C'est bien fait, donc ouais, j'aime beaucoup. Mm. Et puis après, il y a aussi tout le côté Apple qui me laisse un peu de glace, mais bon, quand je fais une overdose de pommes, c'est pas pour lui que je dis ça, hein, c'est parce que quand j'écoute des podcasts un petit peu tech, ça revient beaucoup sur Apple et compagnie. Quand je fais une overdose de pommes, j'écoute Lifestyle. Oui, ouais, c'est ça, Lifestyle. On arrivera à le dire. C'est Irslo qui fait ça. Connais avec pas. Un groupe. Et c'est sur le Windows Phone. Et tout le Windows. Oh. Voilà. Oh. Ah, Berk. Ah, quelle horreur. Dit Windows. Mais ça va pas, non? Quelle horreur. Moi, je suis pas Apple, donc forcément, je fais Windows. Enfin, si, j'aurais pu être Linux. Va écouter Lifestyle. Lifestyle, ok, mais Lifestyle. Il n'y a pas de S, hein, je crois pas. Je vais le chercher. Tu cherches tellement mieux. Non, mais je trouve, il faut absolument que je l'écoute. C'est assez long, par contre. Hein. C'est une bonne heure et demie, je pense. Hein. Non, ça va. J'aime bien. J'écoute. Voilà. J'aime bien. Et puis sinon, voilà, il teste. Bon, avec tout ce que tu m'as cité, j'en ai pour 12 heures d'écoute de plus par semaine. Ah, mais j'ai pas fini. Bah, je vais tourner la feuille, alors. Ah, mais tu prends des notes. Moi, j'ai pris des notes de rien. Bah oui, je prends des notes. C'est bien. J'ai pris des notes de rien. D'habitude, j'écris tout, en plus. J'ai pris des notes de rien parce que je te fais entièrement confiance. Tu vas tout m'envoyer dans un petit mail avec des tirets. Je vais tout envoyer. Je vais t'envoyer l'enregistrement que nous sommes en train de faire. Ouais. Donc, tu auras tout. En même temps, ouais. Et comme tu vas faire le montage, tu pourras prendre des notes pendant le montage. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses? On va s'arrêter là? Mais si non. Tu veux, j'arrive à la fin de mon whisky. Tu mets un temps fou. Alors, soit t'as pris une bouteille, soit t'as pris un verre que tu bois vraiment, vraiment goutte à goutte. Ben, presque, ouais. D'accord. Ah, c'est le principe de la dégustation. Hein. Le but, c'est pas de me lamper du whisky, c'est de me boire un bon whisky. D'accord. Là-dessus, je pourrais dire que des conneries, donc je vais me taire. Bon, je suis sûr qu'il y a des podcasts sur les whisky. Ah ben, je sais pas s'il y a des podcasts sur le whisky, mais en tout cas, t'as un podcast sur l'alcool en général, c'est les pochards du web. Pochards du web. T'as jamais entendu ça ? Celui-là. Non, ça me dit rien du tout. Ben moi, j'écoute ça. Les pochards du web. C'est pas mal. Alors, je sais que Mathieu dans l'Eclectic Show, a de temps en temps des rubriques sur le whisky ou sur les alcools. Mais les pochards du web, ouais, comme tu disais, il y a toujours un podcast sur tous les thèmes. Mais c'est bien, mais je te garantis, c'est pas mal du tout à écouter. Je veux bien le croire. Ben voilà, moi j'écoute ça. Donc il faut aller faire un tour. Ok. Tu le rajoutes à ta liste encore. Un de plus dans ma liste. Non, mais j'ai noté. J'ai tourné ma feuille d'un quart de tour. Et puis tu remarqueras... J'écris dans les marges. D'accord. Tu remarqueras aussi que tu retrouves les mêmes personnes. Enfin, très très souvent quand même dans les podcasts, on retrouve les mêmes personnes qui s'invitent et se réinvitent et s'entrecroisent dans tous les trucs, quoi. Oui, il y a quelques consanguins dans la famille. Oh, je ne valide pas cette remarque. D'accord. Bon, voilà. Je saurais pas te dire de mémoire comme ça qui est-ce qui est dedans, mais tu retrouves des gars d'autres podcasts, quoi. De l'apéro? Non. Sur PodCloud, c'est un podcast monté à l'arrache par une bande d'amateurs de divers breuvages plus ou moins alcoolisés. Il y en a quatre. Quatre quoi? Quatre épisodes? Quatre épisodes. Bah, j'ai écouté les quatre. Dizzy Rider, Onoff, Web, Zafeu, ah bah la mise à feu évidemment, à Aldevar et Quix. Ok, d'accord. Moi, je le mets dans mon téléphone. Donc, la semaine prochaine, t'écoutes tout ce que je te raconte, là. Non. La semaine prochaine, il va falloir que je... Attends, qu'est-ce que je dois faire? Je vais à Geekopolis, je vais aller voir de la route, donc je vais pouvoir me faire 3 heures de plus de podcast. Alors, voilà, notre premier hors-série va s'arrêter là. Ça fait à peu près 3 heures qu'on enregistre. Et on s'est bien... Je sais pas si on peut dire on s'est bien marré, en fait. On s'est pas vraiment marré, on était très sérieux, on était très sages. Oui. On a un petit peu laissé de côté les gens qui nous écoutaient, mais je pense que ce qu'il faut comprendre, c'était que c'était pas vraiment quelque chose d'autre qu'une simple discussion. Donc on a discuté, et la dernière fois qu'on avait discuté, je m'étais dit que ça serait cool qu'on le partage. Donc c'est pour ça que là, on le poste ici. Ben, j'espère que voilà, vous aurez pris autant de plaisir que nous à nous écouter, que nous à le faire. J'ai envie de dire à une prochaine fois. Ah oui? Donc tu pourras revenir, hein, tu reviens quand tu veux, bien sûr. Ouais, on va refaire des hors-séries. Ouais, si tu veux. Ok. On fait tout ce que tu veux. C'est où tu veux, quand tu veux. on va faire un spécial saga MP3. on va se partager des titres. Mais alors celui-là, il va faire 5 heures, c'est pas possible. Ah oui, ça risque, oui. En tout cas, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que j'ai découvert un blast très fier de me laisser une grosse merde à monter. Hein. C'est quand même, tu peux le dire, un truc... Non, je suis pas fier, mais je suis... Si, je suis sûre que tu jubiles de te dire que je vais passer du temps à écouter tes longs monologues où tu m'as coupé la parole absolument tout le temps. Hein, soyons honnêtes. Ah, tu vois, je me tais. Et ben du coup, ça me déstabilise, parce que là, je... Et qu'est-ce que tu vas nous mettre comme musique de fin? Tu m'as dit que tu aimais quoi? Le blues? Bon. Ouais, du blues. Alors je vais sûrement mettre ça, pour te faire plaisir. Moi, j'y connais rien, mais ça changera pas. Je fais plein de choses dont j'y connais rien, donc c'est pas grave. Et puis, je vais essayer de trouver un truc. Voilà, bon blues. Bien roots. Je vais dire quoi? Je vais dire au revoir à tout le monde. Ouais, bonne nuit. C'est pour nous. Pour nous, on va se dire bonne nuit. Ouais. Et puis à une prochaine fois. Pour tous les commentaires négatifs, vous les envoyez directement à Blast. Ouais, je prends tout. Et puis pour les choses gentilles, c'est pour moi. D'accord, je laisse tout. Non, tu me retransmets pas, hein, je veux pas savoir. Non, je dirai rien. Bon, si, d'accord. Un peu. Tu filtres. Résumé. On a pris beaucoup de plaisir à le faire. On est d'accord. Et puis, oui, tout à fait. C'est très sympa. Et puis, je te dis à une prochaine fois. Je dis au revoir à tout le monde. Bonne journée, nuit, matin, je ne sais rien. Vous écouterez ça quand vous aurez envie. Et je vous dis bye bye. Allez, salut. Ciao. You're my sun, you're my breed, you're my lovely, lovely brunette. Hey, brunette, your cello makes me be jealous. But hey, brunette, but I'm sure you'll be famous in the million other ladies. I only think about you. But hey, brunette, you come to me and I'm less wild. But hey, brunette, wanna give you all things I have. But I'm sorry to remain the same guy. But you know I'm just proud. But I promise you, I'm sure I will not be the same that you had you conveyed. I know that I don't need some you, even when I just want what I can get. But you're my rhythm, you're my treat, you're my sun, you're my breathe, you're my lovely, lovely brunette. We'll be right back. that you can make. Ever the door to save you, even when I just want what I can get. But you're my rhythm, you're my beat, you're my sun, you're my breathe, you're my lovely, lovely brunette. But hey, you brought it. See that you left me at last. But hey, brother, didn't you run away too fast? Can you really help myself? Think I'm living in the past. But hey, brother, wanna dress in little queen size. Par quoi commencer? Je sais pas trop quoi dire. Je chie un peu dans la colle. Tu m'as dit que ça devait pas être du mainstream. Hein. Bon, bref, allez. Je suis désolée, je dois avoir l'air très con. Oui, t'es amusé à faire du nettoyage dans ton podcast. Mais c'est parce que j'adore discuter comme ça. Alors du coup, c'est sûr que j'ai envie de discuter, mais ça va intéresser personne. C'est pas grave. Je sais pas. C'est pas comme si on nous écoutait. Bah, c'est pas comme s'ils nous donnaient leur retour. Bon bah écoute, je te propose qu'on recommence. Vous écoutez Une fille, un podcast. C'est le hors-série numéro 1 et on recommence tout, ça fait juste une heure et demie qu'on est dessus. Ouais. Alors Blast, tu me racontes quoi ce soir? Tu vas me raconter ce que tu aimes écouter comme podcast et puis après moi je te raconterai ce que j'aime écouter comme podcast. Ouais, mais j'écoute pas de podcast moi. Ah merde! Oh putain, bah alors... t'as en fait, peut-être des chats, on peut parler de tes chats. J'ai pas de chats, je suis sourd, ermite. Et t'habites dans une maison troglodyte. Oui, en fait, dans la montagne. C'est le principe, ouais. Je suis Zarathoustra. Et moi, j'avale ma bière de travers, ça m'apprendra à dire des conneries. Bon, allez, on repart. C'est un peu chaotique, hein. Tu m'excuseras, bon, c'est le premier, alors c'est pour ça. Et puis peut-être qu'au deuxième, j'aurai plus facile. Mais vu qui viendra pour le deuxième, c'est pas gagné parce que je risque de discuter et de partir aussi dans d'autres choses. J'ai un peu l'impression qu'on a oublié les gens qui sont censés nous écouter, mais... Eh ben, t'en feras au montage, tu vas les réinjecter. Qu'est-ce que je vais dire? Je sais pas, tu vas improviser. Tu feras ça très bien. Tu vas t'amuser. Ouais, je vais m'amuser. Et en fait, je pense que ça te fait marrer. Hein. C'est pour ça que tu continues la conversation. C'est parce que tu es en train de te dire « Elle va en chier pour monter tout ça, ça va lui fera les pattes. » Ça va. Surtout qu'elle veut le faire elle-même, donc du coup, ça, on aura l'épisode dans 2 mois, mais c'est pas grave. Et là, tu fais exprès juste pour que je te dise « Non, tu l'auras avant, t'inquiète pas. » D'un point de vue chronologique, j'ai d'autres projets, donc il va falloir que ce soit bouclé autrement, ce truc. Ouais, en même temps, tu fais hors-série numéro 2 ou autre chose ou, enfin, ah, ben moi, alors, il faut que je recommence l'intro. Vous écoutez Une fille, un podcast, et comme on a tellement traîné pour le montage, c'est le hors-série numéro 2, avec invité, voilà. Blast. Bonsoir. Bonsoir, Blast. On recommence pas, hein, il est 1h du mat'. C'est vrai. Mais c'est de ta faute. De toute manière, ce n'est jamais de ma faute. Il y a un truc... Donc, il faut que tu sois consciente. Oui. C'est que pendant que tu montes le podcast, tu ne peux pas en écouter d'autres. J'ai remarqué. Oh, tu donc, vois toutes coup, les minutes que tu es en train de me cramer. Oh putain, le salaud. Hein, t'as vu? Bon, bah, il faut que tu trouves une conclusion. Hein. Mais souvent, quand j'arrive dans la conclusion, j'ai envie de m'excuser. Non, je suis désolé, ça a pris beaucoup de temps. Je suis désolé. Non, j'ai envie de faire traîner le truc parce que j'ai vraiment envie de discuter avec toi longtemps, mais en même temps, il est tard. Et puis ouais, comme tu dis, ça va faire vraiment un énorme bordel à monter. Ah oui, tu vas rigoler. Hein. Ah, mais tu peux être étonné. Mais je peux être étonné, oui. Tu peux mettre ça en un bloc. Le hors-série fait 3 heures et démerdez-vous avec ça. Et ça serait bon. Surtout si il se décale parce qu'on n'a pas les mêmes horloges et qu'ils synchronisent pas bien et que du coup progressivement les dialogues se mettent à chevaucher. que tu vas découvrir. J'ose même pas poser la question, pourquoi tu voudrais que ça se décale? Et là, tu vas m'expliquer quoi que... Mais ça, il faut que je t'explique le phénomène des horloges. D'accord. Et ok, bon. Et que le fait que les appareils grand public ne sont pas parfaitement synchronisés, quand du coup, l'horloge n'est pas absolument parfaite. Et donc, du coup, tu peux très bien avoir un enregistrement qui, sur le papier, fait une minute et qu'en réalité, il fait 1 heure et qui fait 59 minutes et 45 secondes. Donc, du coup, ça veut dire que tu démarres bien en même temps. Et que progressivement, tu as une voix qui prend du retard ou de l'avance, et que tes dialogues ne sont plus calés. Et là, tu vas t'amuser. En réalité, techniquement, c'est pas un problème pour recaler, mais voilà. Oui, ben tu me laisseras me démerder. Et puis Puis t'appelleras au secours si t'as un problème, et je te donnerai une solution ou deux trois solutions. Et puis, mais comme tu veux pas que je le fasse, je le ferai pas, et tu le feras, et t'en prendras des tas de trucs. Tu vas en sortir grandi. Ah ouais, d'accord. Je savais pas ça, tu vois, que j'avais pas forcément idée que j'allais batailler comme ça, mais je trouverai. Et puis même quand c'est pas. Alors le mot clé à noter, c'est time stretch. Ah merde, faut que je le note là tout de suite. Tu me le redemanderas plus tard, mais... Déjà que j'ai perdu le super mot que tu m'avais dit la dernière fois. Alors... Que j'avais moi, dit je suis pas un truc avec un cœur. Cardioïde. Le principe, ça va être simplement de caler le début et de caler la fin. Donc et si t'as un truc qui est plus long ou plus court, c'est tu vas le tirer un petit peu dans le temps. Tout va se recaler comme il faut. Et après, tu pourras tailler dedans, couper dedans, saucissonner. Et oui, parce qu'en plus... Faire un premier exploit. Oui, il faut que je cale tout avant de couper, hein, bien sûr. Ah bah oui, t'es conne, quelle question. Je me démerderai. Je ne suis pas inquiet, je te fais confiance. Tu as été à bonne école. À l'école du... Au départ, à l'école du démerde-toi toute seule, quand même. Bah ouais. Ouais, bon, c'est la meilleure. C'est pas les tutos qui manquent. Le tout premier enregistrement que j'ai fait, je l'ai fait sur GarageBand. Sur Apple. Ouais. Sur la tablette avec le micro du avec le micro du truc. Un matin bien énervé. Voilà. C'était pas évident d'ailleurs. Avec une voix suave, vous écoutez une fille à podcast. Non, c'était pas encore ça. Je l'ai même pas sauvegardé. En tout cas, celui à qui je l'ai envoyé, il l'a peut-être lui sauvegardé. Mais bon, c'est pas grave. Ah, t'as donné des voix pour de la saga MP3. Ah non, c'était complètement autre chose. Mais oui, j'aime bien donner ma voix. J'aime bien prêter ma voix. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire. Bon, ça, c'est pareil. Hein. C'est perdu. Moi, à partir du moment où j'ai donné ma voix, ils font ce qu'ils veulent. Hein. À part d'un film de cul avec, quand même. Faut pas exagérer. Saga MP3 de cul. Je crois que ça existe. Mais ça doit exister forcément. Il existe forcément tout. Il y a une loi qui dit que s'il y a un sujet qui existe, il y a forcément une version porno. Alors ça, j'en doute pas du tout. Je sais plus, il y a une loi, elle a un nom spécial. Oui, j'en ai déjà entendu parler, mais je ne saurais pas retrouver. Ben voilà, ça sera une très bonne occasion de demander à ceux qui nous écoutent de nous éclairer là-dessus. Voilà. Parce que ben, c'est parce qu'on n'est pas assez pervers, en fait. Voilà, exactement. On n'a pas l'esprit assez tordu. Pourtant, je me défends bien des fois quand même, hein, mais là, non. Moi, j'ai été très sage avec toi, hein, j'ai rien dit. Vous l'entendez glousser et se foutre de ma gueule derrière, hein ? Ouais, c'est tout ce que j'ai le droit de faire, alors. Je me tais. Bon, comment tu l'as conclu, ton émission ? Bon, bah voilà, c'était... C'était bien, hein ? C'est comme ça que tu fais ? Bon, bah, salut ! Allez, ciao ! Bon, alors on y va pour la conclusion. D'accord. Tu me laisses parler ? Ou tu me coupes ? Tu me laisses parler ? Oh, je te laisse parler. Mais c'était super. Eh ben ouais. Non. Non, je te laisse parler. Vas-y. Donc voilà, notre premier hors-série. Je dis notre parce que j'étais accompagnée de Blast et que ça m'a fait vraiment plaisir que tu viennes m'accompagner, Blast. Merci. Je peux pas parler. Tu me coupes pas la parole là, hein. Je te coupe pas la parole, non, je me tais. C'est à ton tour de faire. Ah, je t'ai coupé. Vas-y, continue. Je pense que tu m'as beaucoup coupé et je suis en petite tranche ce soir. Ouais. Tu m'as fait perdre le fil d'à peu près tout ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Je t'en veux pas. Ça se verra pas au montage. ça. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Rien, je veux que tu te taises pour me laisser faire la conclusion. Voilà. Termine. Bah voilà, merci. Termine là-dessus. Merci, c'est gentil. Voilà. Et tu vois, j'ai perdu le fil. Alors, on va la recommencer entièrement? Non, non. Ah, je dis plus rien, moi, je me tais. C'était une fille, un podcast. Donc, si je peux donner un conseil, c'est Blast, il ne faut pas l'inviter. C'est pas possible. Alors déjà, si on veut faire un petit podcast tranquille comme ça, c'est juste pas possible. Les discussions de 3 heures, c'est super intéressant, mais on peut pas tout laisser. Donc je vais devoir te sacrifier, tu le sais ça. Donc je garderai que les passages où je parle et je t'enlèverai complètement. Donc là, je te laisse juste dire un mot. T'as qu'à juste dire salut. Salut. Ce sera la seule fois où on t'entendra. Non, non, je déconne. Et je vous dis bye bye. I know that I don't deserve you, even when